Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur avec une belle initiative, un ciel pour tous, un projet mené par l'association Nancy Vol Libre. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Eric Mazicki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de cette association Nancy Vol Libre, une association qui a plus de 30 ans maintenant. Elle a plus de 30 ans, effectivement, et elle réunit aujourd'hui une centaine d'adhérents. Alors, un petit portrait rapidement avant de parler de ce que vous mettez en place aujourd'hui. Nancy Vol Libre, ça veut dire quoi ? Alors, Nancy Vol Libre, c'est donc une association qui regroupe au départ des parapentistes, mais pas que. Depuis quelques temps, on a deux sections, une section parapente et une section paramoteur. Les adhérents sont des gens qui sont motivés, intéressés pour voler, j'allais dire, de leurs propres ailes, puisque pour pouvoir voler, il faut une petite formation quand même. Et puis, aujourd'hui, donc, on a une centaine d'adhérents qui sont complètement autonomes et on va voler sur des sites, soit sur le massif vosgien ou sur des sites qui sont pas très loin de Nancy, si je peux les citer. Sion, oui. Pagny-la-Blanche-Côte, alors après, on s'éloigne un petit peu, Saucourt... Voilà, et donc le vol libre se pratique soit sur une pente ou alors par le biais d'un treuil sur un terrain plat. Un treuil, c'est simplement un moteur de voiture sur lequel on aurait à la place des roues mis une bobine avec une ligne en dynéma. Et puis on déroule cette ligne sur un kilomètre à peu près. On accroche l'ensemble passager, pilote et bien évidemment le parapente. Et puis on démarre le moteur. Et on enroule et ça décolle. Voilà. Alors, ça, c'est le parapente. Mais si aujourd'hui je suis là, c'est pour évoquer notre projet au sein de Nancy Vol Libre, Un Ciel pour Tous. Un Ciel pour Tous, effectivement. Vous l'avez lancé quand, ce projet, Un Ciel pour Tous ? Alors, on l'a lancé maintenant, ça fait à peu près 3-4 mois. Mais bon, c'était quand même un peu dans les cartons. Et ce qui a fait la relance de ce projet, c'est que justement, au sein de Nancy Vol Libre, qui est d'abord destiné pour les parapentistes, on a ouvert une section paramoteur. Et du coup, les personnes qui pratiquent aussi le paramoteur, alors je rajouterais que c'est quoi un paramoteur ? Un paramoteur, ce n'est qu'un parapente avec le pilote. Il a en plus un moteur dans le dos qui lui permet de décoller justement sur des terrains plats. Il n'a pas besoin de décoller comme un parapente. Et donc du coup, cette nouvelle section a permis de se lancer plus précisément, j'ai envie de dire, et puis plus sérieusement, dans ce projet qu'on a intitulé Un Ciel pour Tous. Alors ce projet consiste en quoi ? Ce projet, il est dans la continuité de Nancy Vol Libre, c'est-à-dire de permettre à des personnes en situation de handicap d'approcher ou de découvrir un petit peu les joies du vol, des sensations en paramoteur. Alors quand je dis des personnes en situation de handicap, on pense à, notamment aux personnes à mobilité réduite, qui sont en fauteuil au quotidien, on va dire. Mais pas que, on peut aussi faire voler d'autres personnes qui sont atteintes d'autres handicaps. Alors après, il y a quand même un petit bémol, il y a certains handicaps qui ne sont pas compatibles avec ce genre d'activité. Mais pour vous donner un exemple, ce week-end, on a fait voler des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, mais également des gens qui étaient malvoyants, aveugles. Donc, ça permet à toutes ces personnes-là de découvrir et d'accéder à une activité auquel, j'ai envie de dire, elles n'auraient pas forcément pensé, quoi. C'est ça. Et quand vous leur proposez ça, cette possibilité de décoller leur est proposée, ils y croient ? Alors, contre toute attente, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de pub. C'est vrai. Ah oui, parce que les gens se disent « Waouh, c'est quelque chose que j'ai jamais fait ». Et oui, au fait, pourquoi pas, quoi. Donc, quand on leur a présenté, dans les grandes lignes, un petit peu le matériel, la mise en œuvre du vol, du décollage, je veux dire, ça les rassure. Et après, les choses se font tout naturellement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, c'est que d'un côté, on a des gens valides, qui sont les pilotes. Des bénévoles aussi. Des bénévoles, voilà, merci de le rappeler. Ah oui. Et puis de l'autre côté, des personnes qui sont en situation de handicap et qui, au quotidien, sont dans des difficultés que le valide ne perçoit pas forcément. Et du coup, la rencontre de ces, j'ai envie de dire, de ces deux univers complètement différents permet à, notamment aux bénévoles qui sont valides, de se dire « Ah ouais, c'est ça quand même le handicap. » Eh ben, et je pense que ça chemine aussi. Ouais. Vous savez, quand on va en ville et qu'il y a des places où il y a le fauteuil de dessiner, on n'en a jamais pour longtemps. Hein, on s'y met. Enfin, on. Moi, il y a bien longtemps que je l'utilise plus, ces places-là, mais je pense que ça contribue aussi à un mieux vivre ensemble. C'est le plus en plus de toutes les émotions que vous avez créées chez ces personnes qui sont en fauteuil ou qui ont d'autres handicaps et qui vont pouvoir vivre ce que vous vivez, vous, depuis de nombreuses années. Exactement. C'est, j'ai envie de dire, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Après, on ne vous cachera pas que l'idée cachée, j'ai envie de dire, de tout ça, c'est qu'un jour, on ait une personne à mobilité réduite qui dise « Mais du coup, moi aussi, je peux piloter ». Alors, comment on y accède, voilà. Donc, c'est envisageable, ça? Tout à fait. Ça existe aujourd'hui, des adaptations de... Tout à fait, tout à fait. Les personnes à mobilité réduite peuvent effectivement... alors, quand je dis à mobilité réduite, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas trop, mais après, il y a personne en fauteuil et personne en fauteuil. Il y a des gens qui sont en fauteuil électrique, hémiplégique, et qui, donc, ont peut-être certaines difficultés à utiliser ses membres supérieurs, mais pour quelqu'un qui est à mobilité réduite, la plupart du temps, pas toujours, mais à partir du moment où il a l'usage de ses bras, ben, on peut accéder à cette activité. Paramoteur, et je le reprécise, parapente également. Voilà, il y a plein de possibilités. Oui. Un ciel pour tous, le nom de ce projet prend tout son sens aussi hein, avec ce que vous proposez. Et l'objectif alors, c'est de récolter de l'argent pour... Parce que alors, je suppose qu'il faut quand même du matériel adapté, il faut peut-être aussi des formations... Voilà, expliquez-nous un peu. On y vient. Dans le concret, en fait, dans le matériel qui arrive nécessairement. Effectivement, notre passion fait que on aurait presque tendance à oublier que pour faire tout ça, il faut des finances. Et c'est vrai que souvent, hein, derrière nous, il y a une association, mais on va souvent utiliser du matériel qui appartient à ces pilotes, à ces bénévoles. Donc, en revanche, ce projet Un ciel pour tous, on a besoin de récolter des fonds. Puisqu'il faut un parapente, enfin une aile, on va dire. Qui est adapté, je suppose. Qui est adapté au paramoteur. Il faut un moteur, il faut ce qu'on appelle aussi un chariot. Un chariot qui va accueillir le pilote et le passager. Donc après, il y a d'autres accessoires, les casques, les radios. Bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être du matériel que chacun d'entre nous a. Mais en tout cas, rien que sur le chariot et l'aile, c'est au minimum 15 000 euros. Minimum. Donc, pour une association qui réunit que des bénévoles, où la cotisation, c'est une vingtaine d'euros, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir boucler le budget. Parce que les bénévoles, ils mettent beaucoup aussi d'argent aussi, hein, exactement. Je suppose. Ils s'investissent énormément. Et c'est du temps qui... Bah, c'est du bénévolat. Hein, donc, mais effectivement, quand on met en place une action, il faut au moins, en comptant le pilote, les personnes qui accueillent les personnes en situation de handicap, la mise en place, parce qu'il faut qu'on mette des tentes, des abris pour pouvoir accueillir toutes ces personnes-là pour pas être en plein soleil, il faut compter entre 10 et 15 personnes pour donner un coup de main, quoi. Et donc, pour revenir au budget, donc l'idée, effectivement, c'est de récolter des fonds sous forme de dons. Alors, vous avez créé une page Helloasso, hein, d'ailleurs. On a créé donc une page Helloasso pour pouvoir verser ces dons. En tapant dans un moteur de recherche, je pense que si on tape « Un ciel pour tous, Nancy vol libre », voilà, on vous trouve directement. Alors, peut-être que certaines personnes auraient besoin aussi de renseignements, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, des personnes qui pourraient bénéficier, alors, qui seraient eux-mêmes en situation de handicap. Exactement. Oui. Pour nous joindre l'asso, on a une adresse, c'est comité@nancyvollibre.com. Et donc, sur cette adresse-là, on pourrait y répondre aux questions. Et peut-être que certaines personnes... Alors là, effectivement, on cherche des finances, hein, sous forme d'argent, ça c'est évident, mais on est aussi prêt à entendre toute autre proposition. Par exemple, ça nous est déjà arrivé dans le passé d'avoir un conseil général ou une société qui dit « bah voilà, moi je contribue à acheter l'aile ». Mais en revanche, vous floquez, vous la floquez. Oui, ça peut être du mécénat, du sponsoring. Voilà, exactement, du sponsoring. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes. On les étudiera, sachant que, bien évidemment, toutes les personnes qui feront un don... Oui, c'est déductible. ...sont déductibles des impôts. Donc, pour une société, c'est plutôt pas mal. Pour un particulier, bah, c'est bien aussi. Et j'ai une idée qui est un peu farfelue, mais je vais profiter pour en parler. Allez-y. Parce que peut-être que ça va cheminer dans la tête de nos élus. Aujourd'hui, la loi de 2005 précise que les employeurs ont l'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap. Or, on s'aperçoit que ce pourcentage n'est pas... peu ou pas respecté. Alors, pas toujours, bien évidemment, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais peut-être que si ces sociétés n'embauchent pas des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, pardon, C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens. Peut-être qu'ils n'ont pas, quand je dis les moyens, ce n'est pas forcément financier, hein, c'est les moyens matériels parce que on n'accueille pas une personne en situation de handicap comme ça. Derrière, il faut une formation, il faut adapter le poste, voilà. Donc ça veut dire que j'imagine qu'il y a des sociétés qui payent des amendes, et je me dis, c'est jamais, mais si des élus m'écoutent, ça pourrait être sympa qu'une société, au lieu de payer des amendes et que ça aille directement au gouvernement, qu'une partie de ces amendes revienne à des associations qui œuvrent dans l'inclusion et qui accueillent et qui veulent travailler avec des personnes en situation de handicap, travailler, voire même s'amuser. Voilà. Donc le message est lancé. J'ai lancé le message, c'est peut-être farfelu, mais peut-être bon. Mais pourquoi pas. Qui ne demande rien n'a rien. Effectivement. Et ce qui n'a pas de prix aussi, bien sûr, c'est ce moment d'évasion, de liberté que vous pouvez offrir à toutes ces personnes qui s'imaginent que ce n'est pas possible et que pourtant, vous l'avez dit, c'est possible de vivre ces émotions-là. Exactement, exactement. Et on vous attend toutes et tous en situation de handicap, ou voire pas forcément, mais en tout cas, c'est vrai qu'Un ciel pour tous s'adresse essentiellement à ces personnes-là qui, peut-être, depuis longtemps, se disent « Tiens, pourquoi pas ?» Mais j'ose pas. En tout cas, la porte est ouverte, on vous attend. Osez, donc, Nancy Vol Libre, c'est à Flavigny-sur-Moselle, bien sûr, le site internet nancyvollibre.com. Éric Mazicki, merci beaucoup. Merci de votre accueil, merci de nous accueillir et de pouvoir passer ces messages qui nous tiennent à cœur. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.